Bonjour, bonjour à vous. Vous êtes avec nous dans Brik à Makaïdé sur 89.9 la radio Play FM. Et aujourd'hui, nous recevons Monsieur Christophe Régnier, qui est le président de l'AIGO Boulido. Bonjour Christophe. Bonjour, merci de votre accueil. Voilà, bonjour Josie. Bonjour tout le monde. Bonjour à notre invité. Bonjour Régnier. Alain. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et bonjour à notre technicien Gilles. Bonjour. Bonjour Gilles. Voilà, aujourd'hui nous allons parler donc de l'AIGO Boulido. Qui est un plat provençal, mais qui est aussi le nom de votre association. Alors, Monsieur Régnier, votre association s'occupe exactement de quoi ? Alors, cette association, l'AIGO Boulido de Cadorous, qui a été créée en 2010, s'occupe de valoriser nos traditions culinaires provençales. Et en même temps, on organise différents événements dans notre village. Donc, vous êtes une association et vous en êtes le président ? Oui, depuis peu, depuis 2 mois et demi de ça. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir président de cette association ? L'amour de nos traditions, tout ce qui tourne autour de la cuisine et aussi de la culture du village de Cadorous. Et puis les rencontres aussi peut-être. Hein. Tout à fait, ouais. les belles rencontres, preuve aujourd'hui. Exactement, c'est ce qu'on se dit tout le temps. C'est gentil, merci. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés et ça nous rapporte beaucoup de joie et de bonheur. Et donc, vous êtes nombreux dans cette association ? Alors, comme tout bureau, on est 6 personnes et après on a différents membres actifs. Donc on est un petit groupe d'une 20aine de personnes, entre 20 et 30 personnes. Cadorous, il y a combien d'habitants ? Nous sommes environ 2700 et quelques âmes vivant à Cadorous. Donc et vous faites partie de la principauté d'Orange ? Tout à fait. Voilà. Donc, ces traditions, pourquoi vous, ça vous intéresse, les traditions ? Est-ce que c'est le but premier de votre association, d'abord ? Tout d'abord. Bon, le but premier de notre association, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même de valoriser le patrimoine historique et culturel de notre village et de notre belle région. Bon, à côté de ça, on aime bien partager des bons moments ensemble. Et le but de l'association, c'est une association culturelle, et en même temps social, parce qu'on veut participer à différents événements dans notre village. Vous êtes combien exactement dans l'association avec tous les membres, tous réunis ? Oh, une bonne trentaine de personnes. Oh, c'est bien ça, oui, pour un village comme ça. Et donc, quelles sont vos manifestations ? Qu'est-ce que vous faites tout au long de l'année pour justement faire vivre le village ? Je crois que c'est quand même le but premier. Bon, on a quand même un planning très chargé dans l'année, on ne dirait pas, mais c'est vrai qu'à Cadorous, on a beaucoup de manifestations. Donc on contribue à différents événements dans le village. Donc si on commence à partir du début d'année, nous organisons un vide-grenier au courant du mois de mars. Après ceci, nous organisons un événement pour les enfants lors des fêtes pascales, où il y a différents événements autour du chocolat, décoration, fabrication d'œufs, chasse à l'œuf. Nous avons aussi, bon, bien sûr, notre événement annuel qui est la fête provençale, on en parlera plus tout tard. Tout à l'heure, on développera, oui. Et nous participons à la fête du melon qui a lieu le premier week-end du mois de juillet dans le village. Parce que Cadorous, je crois que c'est le village... Pourquoi la fête du melon ? Je coupe là, c'est pour moi, c'est pour moi. Au niveau du... Pourquoi la fête du melon ? C'est une tradition depuis longtemps ou c'est... Parce que nos producteurs de melon, il ne faut pas oublier que Cadorous, il y a beaucoup de production de melon et c'était pour valoriser aussi la production locale. D'accord, tout à fait. Je crois qu'on va faire une petite pause et on continuera avec nos animations de toute l'année. A tout à l'heure. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. With a mouthful, but I couldn't be sweeter. You're on my cutie in my own way. I won't play, follow the leader. And I don't look like them, I ain't worried about it. I don't talk like them, I ain't worried about it. I know I'm a gem, I ain't worried about it. I ain't worried about it, 'cause I'm a lady. Too much. Come on. cute and I'm pretty smart. And when I break it down, it's a work of art. And if you feel the same, can you participate? I wanna see you shake. I wanna hear you say, say I'm pretty cute and I'm pretty smart. And when I break it down, it's a work of art. And if you feel the same, can you participate? I wanna see you shake. I wanna hear you say, and I don't look like them. I don't talk like them. I know I'm a gem. I ain't worried about it. I ain't worried about it. 'Cause I'm a lady. Bonjour Fly FM 89.9 avec aujourd'hui l'association Aigubulido qui parle de ces manifestations. On en était resté à la fête du melon qui avait lieu, monsieur Régnier qui est le président. Vous rappelez à peu près la date de la fête du melon? C'est simple, c'est toujours le premier week-end du mois de juillet. Voilà, alors on est sur le mois de juillet et là on avance sur l'année. Alors on avance, alors ce qu'on fait depuis quelques années, on participe à la véraison de Châteauneuf du Pape. On est invité et on organise avec... avec notre association de cadeaux rousses, les vieux crampons du football, on organise une taverne. Cette année, on sera place de l'église. Et donc, nous, on sera là pour cuisiner. Une taverne provençale ou... oui, en cuisine provençale, ah, oui, d'accord. Bien sûr. Donc, on sera toujours... Après, taverne provençale lors de la fête de Véraison, de la Véraison, c'est un petit peu délicat parce qu'il y a un thème quand même, ouais. La Véraison. Mais on s'adapte, bien sûr, au thème de la Véraison. Et c'est... C'est avec une fierté qu'on participe à cette... Non, c'est pas au mois de septembre, c'est le premier week-end du mois d'août. Ah, le premier week-end du mois d'août, d'accord. Voilà. Où là, c'est durant le week-end, on participe à cuisiner, on propose des plats aux visiteurs, et en même temps, nous avons une association de cadeaux rousses, les vieux crampons, qui, eux, s'occupe de la taverne. J'allais dire de la buvette. Voilà, ça m'étonne pas. Je m'excuse. Non, ce sont des bons vivants, hein, quand même, les vieux crampons. Après le sport, il faut qu'ils... Et après ce mois d'août, qu'est-ce qui se passe? Alors, après le mois d'août, on va se reposer quand même. On va jouer aux estivants. Et puis après, on réattaque en septembre-octobre où... on participe un peu de loin à une manifestation sportive qui est organisée par les vieux crampons de cadeaux rousses, où là, il y a un parcours sportif en campagne. Et après, on va repartir directement sur le mois de décembre, où on participera au Téléthon. Et on fait une journée Noël pour les enfants, où il y a différents ateliers culturels et culinaires et de décoration. Voilà, parce qu'il faut souligner que votre association, ce n'est pas que du terroir, c'est surtout pour la convivialité, du fait aussi qu'il y a le sport, les crampons. Souvent dans les communes, c'est les vieux crampons usés. Ça m'avait beaucoup. Oui, voilà. Bon, ils ne sont pas si usés que ça. Ils ont la forme. Mais bon, oui, c'est vrai que nous, ce qu'on souhaite, c'est les traditions provençales, les traditions culinaires provençales. Et puis, comme nous sommes dans un village où il y a beaucoup de manifestations, on dit pour vivre heureux, vivons cachés. Mais nous, bien au contraire, à cadeaux rousses, on vit ensemble, on passe de très bons moments sur le village. Voilà, on va se faire une petite pause et on se retrouve tout à l'heure. Et on parlera cuisine peut-être un petit peu. Et manifestations du mois de... là qui va arriver, là, le 4 dimanche. Juin. Dimanche. Ah oui, le temps passe à une vitesse, c'est incroyable. À tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole. Quand on se bat, moi, je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessé. Moi. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte. Que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer. Et faire l'amour par dégoût du dégât. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessé. Moi. Comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page. Revenu sur Fly FM 89.9 avec Bric-à-Brac Aïdé et Monsieur Régnier, qui est le président de l'Aigo Bouidou, qui veut dire en français l'eau bouillie. Donc, nous étions en train de... L'ail bouillie aussi. Oui, l'ail, mais l'Aigo, c'est quand même l'eau, non? Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, il me semble, parce que l'aigue c'est l'eau. Entraigue, ça vient du provençal. Sûrement du latin. Bon, on va pas faire un cours. Non, tout à fait. Je voulais juste revenir sur... Oui, sur, vous aviez oublié sur les vieux crampons. Voilà. J'ai oublié une chose. Ils vont m'en vouloir. Ils vont m'en vouloir. La aussi. Fameuse course qu'ils organisent à Ostacle, c'est le 16 septembre et ça s'appelle la Jobastre. La Jobastre. Oh, la folle. Je dis juste ceci. Les gens qui voilà. ont envie d'y participer, ils les contactent et ils seront ravis de les recevoir. La Jobastre, ça veut dire la folle. Donc, vous aviez oublié ça et puis je crois autre Après, chose. Après, on participe. Oui, parce qu'on participe à différents événements parce qu'on aime bien valoriser la cuisine et les traditions. Donc on a un atelier au sein de l'association, l'atelier où on fabrique des galants ou des oreillettes, tout dépend de quel côté on prend ceci, et on participe à différents événements. Par exemple, c'est la fête à Susclan. De mémoire, c'est au mois d'août ou septembre. C'est pas la fête du vin, il n'y a pas du raisin. Bien sûr, à Susclan, il y a toujours quand même un bon vin autour d'une manifestation. Et là, mais qui c'est qui cuisine là, vous Alors, dites c'est des membres de l'association. Même les messieurs. Les messieurs, on n'a pas trop partout dans l'association. Ah. On a des membres actifs masculins, mais c'est surtout quand on organise une grosse manifestation pour pouvoir mettre en place nos stands ou autres. C'est les gros mais bras, quoi. Voilà, on est les gros bras, tout à fait. Bon, parce que nous, on a dans l'association un monsieur qui fait de la cuisine, Vincent, qui gagne des concours. Donc les messieurs peuvent cuisiner. Mais t'es au courant, moi, je ne sais pas au courant. Voilà. Alors, on le félicite qu'il a gagné un concours, apparemment. Non, mais il y a un moment déjà. Il y a un moment, d'accord. Bon, revenons à nos moutons. Oui, revenons Donc, c'est les membres de l'association, les dames, qui font des... Comment vous appelez ça? Des galants. des galas. Tout à fait. On organise un atelier, on fait les galas en direct devant le public, en leur expliquant la recette, comment les couper, comment les étaler et comment les frire. Et est-ce qu'après, ils ont le droit de les manger? Mais bien sûr. Ah. Et puis, je peux vous dire qu'ils apprécient. Ah oui, c'est bon. Franchement, merveille au galant, c'est bon. Et donc, je crois que dimanche, vous avez une manifestation très importante. Ah, très, très importante pour notre association. On organise notre journée provençale, la fête provençale. C'est la 7e édition. Elle a lieu à Cadorousse, place de l'église, à partir de 14h. Et ça commence comment? Très bien. Ça finit très bien. Ça finit très bien. On a changé un petit peu notre fête provençale parce que les années précédentes c'était sur la journée, c'est-à-dire du matin ou en fin d'après-midi. C'était 19h-20h. Un peu lourd. C'était un peu lourd et puis cette année on a eu l'opportunité de par le calendrier que le lendemain c'est le lundi de Pentecôte. Donc on a changé un peu notre journée, c'est devenu un après-midi, puis un souper, et puis un ballet, et on va finir tard dans la nuit. C'est un nocturne, hein. Vous finissez un nocturne. Bah, tout à fait. En plus, il va faire chaud, et vous avez bien eu raison. Ça, oui. On sera à la fraîche, partager de bons moments avec nos amis. Et puis ces journées les plus longues, là, c'est très agréable. Hein, on a envie de prolonger la nuit. Bon, on va faire une petite pause, et après on va décortiquer cette journée de dimanche. Allez. À tout à l'heure. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. Au clair de la lune, je me laisse guider par ma plume. Mélange de peine et d'amertume, mon encre coule sur le bitume. Je ne sais pas où je vais, je marche seul désorienté. J'aimerais pouvoir voler, les anges me guident mais on dirait que je me noie dans le noir, c'est l'hiver. Mon cœur est froid, je me sens si seul dans l'univers. Que je me noie dans le noir, c'est l'hiver. Mon cœur est froid, je me sens si seul dans l'univers. Non, je patine. Tout n'est pas si facile. Tout ne tient qu'un fil. Je m'accroche mais je tombe. J'ai tant de soucis qui me plombent. J'aimerais pouvoir voler mais le sol se rapproche chaque seconde. Je me noie dans le noir, c'est l'hiver. Mon cœur est froid, je me sens si seul dans Fly FM 89.9 avec Monsieur Régnier de l'association Algouboulido de Caderousse. Nous étions partis sur la journée du 4 juin qui commence à 14h et qui part sur une longue journée puisque il y a du nocturne et qui se termine, je crois, le lendemain. Monsieur Régnier, grosso modo, vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qu'il y a comme manifestation, le repas où on peut réserver? Oui, bien sûr. Je vous écoute. Donc, on commence à 14h avec un défilé dans le village. De là, après, on revient sur la place de l'église, parce que tout se passe sur la place de l'église. Je ne sais pas si vous connaissez la place de l'église de Caderousse. Elle est très, très belle. On se rappelle souvent qu'à Caderousse, il y a la digue, mais on a une superbe place de l'église. Donc là, on met en place un village provençal où il va y avoir différents artisans, différentes animations tout au long de l'après-midi. Donc on va dire des cours de langue provençale, il va y avoir des lectures provençales, nous allons avoir pour les enfants la fabrication de toupies, nous allons avoir aussi un atelier vannerie, nous allons avoir aussi des décorations florales, différents artisans qui vont nous montrer leurs produits, un brasseur de bière qui est à Orange, donc pas trop loin de Caderousse. Nous allons aussi avoir notre atelier de galant. Et tout cela dans l'après-midi avec une animation musicale organisée par le groupe Neri. Et va venir un peu la fin d'après-midi sur les coups de 18h où on va refaire un défilé dans le village plus officiel où là on sera accompagné par différentes personnalités élus municipaux ou départementaux. Nous allons avoir un défilé de tracteurs, des animaux et nous avons comme invité d'honneur cette année la confrérie de l'ail de Piolenc. Qui vont avec nous se balader dans notre beau village. Puis on reviendra sur la place de l'église. Moi je voulais vous dire, et les élus, est-ce qu'ils sont en costume pour Manstow? Non, je pense ça pas. Serait bien. Vous leur poserez la question. Si on y va, on verra. Dimanche. Question piège là. Non, je pas piège, non, elle est pas piège. Pour moi, elle n'est pas piège. Ils auront leur costume d'élu, mais est-ce qu'ils auront leur costume provençal? Ça, je sais pas. Ça sera la surprise. Venez voir. Ça serait bien. Ouais, c'est pas bête, ça. Tiens. Et donc, on était sur la fin de la journée. Oui, voilà. Si on veut réserver le repas, ah oui, oui. Donc après notre petite balade dans le village, nous allons commencer les festivités nocturnes. Donc nous proposons un repas qui est composé d'un taboulé d'épeautre, donc qui est quand même assez provençal, parce que l'épeautre, on connaît très bien au-dessus de Sceaux. Oui. Hein, donc, et puis c'est de l'épeautre qui vient bien sûr qui en a haussé de Sceaux. Nous aurons aussi des aubergines à la tomate. Oui, cuisiné par nous, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas un traiteur, c'est nous. Et comme vous on disiez, est intraitable pour ça. Antenne, vous êtes 200, il y a 250 convives, c'est on ça. On prévoit 250 donc, repas, donc ça vous fait voyez, du travail. C'est vous une imaginez belle, une le belle travail cuisine. Des petites cuisinières qui vont faire cuire tout ça, ou les petits monsieur, je ne sais pas. Oh, mais tu je pense que vous en aurez pour pas mal de temps. Et je pense qu'une gentille dame vous prête sa cour. Ah, on a la chance d'être apprécié et on est invité pour chez un particulier dans le village pour cuisiner, car vendredi, on aura notre atelier cuisine parce qu'on a les aubergines, on a aussi les caillettes. Les caillettes, c'est long ça. Le fromage de chèvre, mais bon, ça, comme vous le savez, on a, c'est pas nous qui le faisons, hein, heureusement. Il vient de Banon, peut-être? Non, du coin. Oui, de Piolenc, Piolenc Orange. Donc, vous voyez, on reste dans le quartier. Et des fruits de saison, je pense que ça sera des abricots parce qu'ils sont super beaux et super bons. Et après, on parlera de la recette de l'ail gombuido, peut-être. Oui, parce que la soirée continue, je ne vous ai pas tout dit encore. Donc, il y a l'ail gombuido à déguster, et il y aura des chants et le balletti. Et le balletti, qui va être animé par un groupe qui s'appelle Vendaki. Ouais. Et ils viennent d'où, ce groupe de... Qui est du quartier, Mondragon. Ah, voilà, c'est vraiment un groupe très, très connu et reconnu, et qui ont vraiment... qui mettent en valeur nos coutumes. D'accord, on va se faire une petite pause et on terminera par le lendemain. Il y a aussi la recette. Et oui, la recette et le lendemain. Il n'y a pas quelque chose le lendemain? On se repose le lendemain. On digère le lendemain. J'ai cru que ça continue un peu. Non. Fly FM. Fly FM, le meilleur des hits des années 80 à aujourd'hui. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. Fly FM et toute l'équipe et Monsieur Régnier, on était en train de parler de ce qui va se passer le 4 juin à Caderousse et je crois que vous avez oublié de signaler qu'il y avait d'autres petites activités pour les enfants et pour les adultes. Oh, c'est pas un oubli, mais c'est vrai qu'on est tout de suite au niveau du repas. Oui, et j'ai oublié certaines manifestations qui avaient lieu au courant de l'après-midi grâce à l'aide d'associations du village. Donc je pense à l'amicale laïque qui ben c'est eux qui vont lire des textes en provençal. On a l'association des parents d'élèves aussi qui vont organiser des jeux en bois pour les enfants. Nous avons par la reine Caderousse qui va aussi organiser des dialogues en provençal. On aura aussi sur place une ferme pour les enfants, très ludique, et différentes animations avec un défilé de chevaux, et on aura aussi Maréchal Ferrand. Ben, je crois que c'est quand même une grande manifestation. Oui. Et tout le village est concerné. Ah ben tout le monde est motivé parce que bon, c'est quand même. Ça devient une tradition, c'est la 7e année. Est-ce que vous avez des touristes qui viennent Alors, le fait qu'on fasse aussi cette année le week-end de Pentecôte, beaucoup de personnes m'ont dit oui, mais attention, il y en a qui partent. J'ai dit oui, mais bon, on a aussi des touristes qui viennent, et puis on a des partenariats avec différents offices du tourisme, donc on espère bien sûr montrer ceci aux gens qui viennent nous voir. Voilà. Et pour conclure, où c'est qu'il faut réserver pour si on veut participer au repas? Alors, il y a un numéro de téléphone qui est le 06 83 17 47-47. C'est le repas. Alors le repas commence aux alentours de 19h30. Nous avons un petit apéritif provençal qui sera offert. Nous avons ce repas à 15€. Les boissons ne font pas compris du repas, comme ça chacun est libre de consommer ce qu'il veut. Je vous parlais tout à l'heure que nous avions la confrérie de l'ail, donc nous allons avoir une intronisation de la confrérie de l'ail durant le repas. Et on va venir bien sûr à notre potion magique digestive, l'ail bolide, oui, qui sera servie après le repas. Alors cette année, l'ail nous est offert par les producteurs de Piolenc, qui eux organisent aussi une très belle fête le 10 juin, parce qu'il y a l'ail nouveau qui arrive. Est-ce que, Josy, tu veux nous donner la recette de l'ail? Je vais me rappeler ce que mon père il faisait, ce que j'ai vu. Donc vous prenez une casserole, hein, vous mettez de l'eau à chauffer, et je crois que vous pelez 3 gousses d'ail à peu près, 2-3 gousses d'ail, ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts, oui. Voilà, vous enlevez le germe, soi-disant, c'est pas digeste. C'est pas digestif. Mmh. Enfin, c'est pas digeste, excusez-moi. Vous faites chauffer tout ça, et vous allez chercher, si vous avez dans le jardin, un brin de sauge, ou de romarin, je sais pas, peut-être. Sauge. Plutôt sauge. Plutôt la sauge, oui. Moi, ils mettaient de la sauge. Ouais. Et vous mettez ça à peu près à mi-cuisson, hein, à la fin, et vous arrêtez, et après... Vous versez ça éventuellement dans une assiette à soupe sur du pain que vous avez gardé qui est un peu sec. Un peu rassis. Voilà. Mm-hmm. Et vous pouvez rajouter, si vous aimez l'huile d'olive, en principe on l'aime. Si on ça n'est tout. Ça, ça une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive et du gruyère. Et vous mangez ça. Voilà. Et après, vous allez... Ça nettoie. Très bien. Ça nettoie. Alors, monsieur Régnier, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, bon, déjà... Votre recette est très alléchante. Bon, le gruyère, à voir. Oui. Les croûtons et l'huile d'olive, oui, super. Bon, après, le gruyère, c'est vrai qu'après, on va en faire un deuxième souper. Ouais. On a dit qu'on faisait ça pour digérer. Oui, voilà. mais c'est très alléchant, ce que vous nous proposez, là. Eh bien, écoutez, on va se quitter, là, maintenant. Mais à la fin, vous nous redirez ce que vous allez faire dimanche, mais rapidement, au bout de l'émission. Eh bien, merci. À tout à l'heure, monsieur Régnier. Très volontiers. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. Regarde autour, tout est là, tout est fait pour nous. Tout le temps court. Le temps est comme toujours, bien trop court. Hier était hier. Alors rien ne sert de s'encombrer. Laissons-nous vivre le présent d'abord. Laissons-nous vivre à l'instant plus fort. Regarde autour et devant toi. Regarde celle-là sous tes doigts. Prends tout. Prends sans détour. Demain sera demain, dis-toi bien que rien d'avance n'est décidé. Aucun destin n'est gravé dans ses mains. Changer, tout peut arriver. Laissons-nous vivre le présent d'abord. Oui, laissons-nous vivre à l'instant plus fort. revenu sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac à idées. Et Alain va nous parler d'un livre qu'il a lu récemment et qui est sûrement très nouveau et très intéressant. Oui. Alors, c'est un livre édité chez Actes Sud, la maison d'édition de notre nouvelle ministre de la Culture. Voilà. La tristesse des éléphants de Jody Picou. C'est traduit de l'américain. Certaines personnes pensaient autrefois qu'il existait un cimetière des éléphants, un endroit où ces animaux venaient mourir quand ils étaient vieux et malades. En vérité, les chercheurs ont trouvé les restes de groupes d'éléphants morts dans un périmètre réduit, souvent pendant une courte période de temps. Alice, ma mère, aurait dit qu'il y avait une raison parfaitement logique pour expliquer la présence de chaque site funéraire d'importance. Les éléphants étaient morts en peu de temps, par manque d'eau ou de nourriture. Les chasseurs d'ivoire s'étaient livrés à un massacre. Jenna, m'aurait-elle dit, il y a une explication à tout ce que tu vois. Alors, la mère de Jenna, Alice, une scientifique qui étudiait le deuil chez les éléphants, a disparu lorsque celle-ci n'avait que 3 ans. Aujourd'hui, Jenna a 13 ans et elle est bien décidée à retrouver la trace de sa mère. Elle n'a qu'une certitude, jamais sa mère ne l'aurait abandonnée. Jenna se met à relire le journal de bord d'Alice et pour progresser dans sa quête, elle s'adjoint les services de Serenity Jones, une voyante qui prétend être en lien avec l'au-delà, et de Virgil Stanhope, l'inspecteur qui a mené, ou plutôt bâclé, l'enquête à l'époque de la disparition. Alors l'histoire est contée successivement par Jenna, puis par Serenity, la voyante qui ne voit plus grand-chose, puis Virgil, le détective alcoolo, et par Alice dans son journal. Alors malgré la vraisemblance des souvenirs de Jenna à l'âge de 3 ans, parce que là on est écœuré, elle a des souvenirs de l'âge de 3 ans, c'est invraisemblable, ça tient pas la route. On est quand même envoûté par ce roman dont les personnages principaux sont les éléphants. Et en effet, ce roman tient surtout par son côté animalier. Alors si les éléphants vous indiffèrent, laissez tomber, ou alors accrochez-vous jusqu'à la fin. Ils nous indiffèrent pas, au contraire. C'est passionnant. C'est un thriller. Non, c'est pas un thriller. Un polar psychologique. Non, même pas. Non, c'est un polar psychologique. C'est pas un thriller. Ouais, c'est une aventure. C'est autre chose. Une aventure, mais c'est surtout documentaire. Ah, d'accord. Ça nous parle des éléphants. C'est très curieux. Les mœurs des éléphants. Ouais. Okay. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Bien sûr. Mais c'est curieux. Voilà. Ça vaut le coup. On va faire une pause et après, on continue avec un film. Allez. Oui, aussi un peu une découverte, on va dire, ceux qui connaissent. Voilà, mais c'est bien. À tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors les chiffres dansent, tout se mélange. En tête à tête avec un ange. En apesanteur. Pourvu que les secondes soient des heures. En apesanteur. Pourvu qu'on soit les seuls. Cet ascenseur, elle arrange ses cheveux. J'ai le cœur juste au bord des yeux. Et sans la regarder, je sens la chaleur d'un autre langage. Alors, les yeux rivés sur les étages, pourvu que rien. Cet ascenseur, j'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Mmh. Rebonjour Fly FM, mais moi après le livre concernant cette histoire sur les éléphants, hein, on va passer à autre chose qui est de la sculpture, puisqu'il sort un film qui s'appelle Rodin, Auguste Rodin, de Jacques Douillon. Et Doyon plutôt, Doyon. Excusez-moi aujourd'hui. Et ça marque justement, ce film marque le 100e anniversaire de la mort de ce monsieur, en 2017, avec Vincent Lindon, et qui a pris très au sérieux l'obligation de savoir manipuler la terre, et a suivi d'ailleurs pas mal de cours avec un sculpteur. Je ne sais pas s'il n'a pas grossi aussi, non? Ah, ça, je ne suis pas allée regarder. Donc, ça se passe en 1880 à Paris, où Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l'État. Ce sera la Porte de l'Enfer, composée de figurines dont certaines feront sa gloire, comme le Baiser ou le Penseur. Il partage à cette époque la vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu'il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée, qui devient vite son assistante et aussi sa maîtresse. 10 ans de passion, mais également 10 ans d'admiration commune et de complicité. Après la rupture, M. Rodin poursuit son travail avec acharnement. Il fait face au refus et à l'enthousiasme que la sensualité de sa culture provoque et signe avec son Balzac. Je pense que c'est aussi... Je ne connais pas toutes les statues. Le buste de Balzac est particulièrement ressemblant. Et c'est ce qui a choqué à l'époque. Je te remercie, Alain, de cette information. Il était trop ressemblant, trop photographique. Il n'était pas assez académique. D'accord. Donc, alors j'en étais où. Il provoque, il signe avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de la culture moderne. Et à 60 ans, enfin reconnu, il devient le sculpteur le plus célèbre avec Michel-Ange. Donc, ce tournage a eu lieu, je demandais tout à l'heure hors antenne à mes chers coéquipiers s'ils étaient allés à Meudon, parce que ce film a été tourné en partie à Meudon au printemps 2016, dans la maison de Rodin, dans sa chambre et dans sa salle à manger. Et ils ont utilisé des maquettes trop fragiles et des sculptures authentiques. Ils ont fait des reproductions avec des sculpteurs. Ils ont laissé la salle à manger, les éléments de l'atelier, ainsi que le lit qui était là pour ce tournage. Voilà, je voulais dire que c'est un... On retrouve Vincent Lindon qui joue très bien ce rôle. Et on fait un voyage dans le temps, dans un lieu qui a été habité auparavant par ce monsieur. À voir si on veut connaître un peu plus quelque chose sur M. Rodin. Voilà, et son œuvre. Et il a été aussi nominé au Festival de Cannes, ce film. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai le temps de partager d'une petite sortie? Alors, il y a une expo flash, c'est vendredi à 19h à Monteux, à la chapelle des Pénitents Noirs. C'est ce jour-là uniquement. Il y a deux peintres, Jean-Bernard Tessier et Ismaël Costa. Il y a Franck Garinos qui a fait de l'encre. Et il y a Jade Sager pour l'ambiance musicale. Ça, c'est organisé par Soif de Culture, donc je crois que l'entrée est libre. Et puisque je parle justement de ces créateurs, je voudrais vous dire que chaque premier samedi du mois de 10h à 18h, il y a les portes ouvertes, oui, on peut dire les journées portes ouvertes, des ateliers de ces artistes et créateurs. Alors, il y a un plasticien, céramiste, modélisme, artiste peintre, couturière. Franchement, la traversée des arts à Monteux, c'est à visiter. Il y a des trompe-l'œil qui sont magnifiques. Voilà, je vous conseille le premier samedi de chaque mois, de 10h à 18h, de venir visiter la traversée des arts. Alors, il y a une petite pause. On continue tout à l'heure. D'accord, pas de soucis. À tout à l'heure. Fly FM. Le meilleur des hits. Éclair, tatoué sur la peau. J'ai des éclairs, des passages à niveau. Souvenir amer d'un amour mental. J'ai des éclairs, des retours à zéro. Tard dans la nuit, quand il n'y a plus un chat, il n'y a plus un bruit. Alors je pense à toi, je sais que tu m'oublies. Toute une vie sans te voir, ce n'est plus une vie. Éclair, éclair, les cheveux cominos. De quoi j'ai l'air, sont ma super-héros. La ionosphère, j'ai grimpé au rideau. Des années-lumière, des flashbacks de trop. Éclair, éclair, les yeux noirs pour rien. De quoi j'ai l'air. Nous voilà revenus sur Play FM 89.9 et je crois que tu as un petit... Oui, je voudrais passer un petit message. Voilà, je ne sais pas si ces petits chatons ont été adoptés, mais l'association SOS Sacapus recherche des familles pour 11 petits adorables chatons. Et vous appelez au 06 89 99 48 12 et vous voyez avec la personne qui s'en occupe s'ils sont toujours là, en espérant qu'ils sont tous partis dans des familles bien qui sûr. Vont prendre soin d'eux. Et sinon, vous pouvez en adopter. C'est très bien. Et moi, je voulais vous emmener le 4 juin, loin de Caderousse, mais il y a quand même d'autres animations. Passer par Caderousse avant, quand même. C'est au lac de Monnieux, alors je pense que c'est quand même pas du tout... Ah, c'est le... pas la même route. Voilà. Il y a deux sites d'animation pour une journée pleinement nature. C'est la Nesque Voie Verte et Fête des Sports de la Nature. Et ça se passe au lac de Monnieux. Cette année, les événements Nesque Voie Verte et Fête des Sports de Nature se déroulent en simultané, de façon à créer une dynamique dans l'espace pour permettre de profiter pleinement de cette journée nature. Et en plus, elle est active dans un environnement grandiose. Alors c'est quand même un truc de plus nature, c'est... Hein, vous allez... Mais c'est toujours très sympathique. Voilà, hein. Je pense... C'est une journée dédiée aux mobilités douces. Au cœur du site des Gorges de la Nesque, qui est magnifique, qui est grandiose. Et ça se déroule chaque année. En France, et là c'est Accueil Vélo Ventoux, les villages de Ville-sur-Ozon, Blauvac, Monnieux et la communauté de communes Ventoux Sud qui propose aux amateurs de mobilité douce un rendez-vous pour cette journée pratique, mobilité douce, dans l'un des plus beaux sites du Vaucluse. Voilà, c'est une journée exceptionnelle, ouverte à tous les types de pratiques. Alors il y a le vélo, le tandem, le roller et le VAE. Alors le VAE, je ne sais pas trop ce que c'est, j'ai pas eu le temps de chercher. Redis-moi-le. Le vélo assistance électrique. Ah oui, alors ça c'est pour les feignants. Le vélo assistante électrique. Et vous découvrirez à votre rythme cette route touristique qui chemine en faux plat. Voilà. Il y a quand même 21 km. Hein. C'est un parcours ponctué de pauses informatives. La destination finale, ben, vous dégusterez du miel au rucher des lavandières. Il y a un pique-nique aux saveurs du Ventoux. Voilà. Certaines propositions sont payantes, d'autres sont accessibles gratuitement. Et pour quelques-unes, une réservation préalable sera nécessaire. Voilà. Alors, il y a la tyrolienne au-dessus du lac, pour les sensations, balade avec des ânes battés, les pauvres. Randonnée pédestre gratuite à 10h et à 14h, avec des accompagnateurs en montagne devant tout passion nature. Le comité départemental de randonnée pédestre vous propose des topo-guides et vous invite à deux randos, tout public, à 10h30 et 14h30. Et le comité régional du sport en milieu rural vous fera découvrir des jeux de plein air, dont le disc golf. Vous voyez, moi, je ne sais pas ce que c'est. Le disc golf. Voilà, c'est, hein, c'est à aller voir. Et il y a des balades en calèche, en poney autour du lac. Voilà, les renseignements, www.smaemv.fr. Et les entrées sont, pour certaines, gratuites, et ça convient aux enfants. Voilà, on se fait une petite pause, et on se retrouve dans un petit moment. À tout à l'heure. FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be. Beautiful stranger, take me by the hand, make me dance or not, I wanna take the chance. So come to the, oh come to the world, oh come to the world. Baby, let me show you things, let me show you things. Cause time is running and we can lose. Oh baby, come and dance, we're gonna make it through. Cause we've got the time, oh yeah, we've got the time. Come to the world, oh come to the world. Don't go. Oh cause we got the time, oh, oh, oh, oh. Oh yeah, we got the show. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9. Et avant de nous quitter, je crois que nous allons parler des Gémeaux, car Christophe est de oui, ce signe. Comme par hasard. Oui, au fait. Alors, nous sommes rentrés dans le signe du Gémeaux du 21 mai. À partir du 21 mai, on y va jusqu'au 21 juin. C'est le troisième cycle, troisième signe, excusez-moi aujourd'hui, troisième signe du zodiaque. Et ce signe est ouvert, curieux, vif, fantaisiste, mobile, adaptable, habile, sociable. Mais il peut être, parce qu'il amende. Ah, toujours à le revers de la médaille. Mais... instable, superficiel, insouciant. Alors, monsieur et madame les Gémeaux, hein, c'est un champion de l'issue du secours, de la pirouette. Écoutez parler un Gémeau, tout ce qu'il dit est à double sens et on peut être compris de deux façons différentes. Ce petit Gémeau, comme c'est le troisième du signe du zodiaque et qu'il arrive à la fin du troisième trimestre de l'année scolaire, eh ben, c'est aussi un as de l'école buissonnière. Il a le sens de la fraternité, c'est normal, parce qu'ils sont deux. Il y en a un qui rattrape l'autre. Et à force d'être deux, il ne rivalise plus avec lui-même et que par habitude, il ne viendrait pas à l'idée de tuer son frère pour un plat de lentilles. Un Gémeau, de toute façon, ne peut pas vivre seul. Quant à l'amour du Gémeau, alors, quand il n'est pas seulement badinage, est un point fixe, un ancre de salut. Le Gémeau est un grand romantique. Sans amour, il devient volatile, il s'évapore, disparaît et se perd. Bon, mais après, il retombe vite sur ses pattes. Par amour, il est capable de tous les miracles, avec cependant une prédilection pour la multiplication des petits pains. Le malheur d'un Gémeau dure rarement très longtemps. Beau joueur, vous ne sauriez l'être plus que lui. Voilà, est-ce que c'est quelqu'un... c'est votre... Alors, je me suis reconnu sur certaines choses et pas sur d'autres. Mais c'est normal parce que je suis Gémeau. Voilà, vous savez votre ascendant? Non. Non, ça change non. Tout. Mais alors, les si je le savais, je ne vous le dis pas, parce que parti comme vous êtes parti. Ouais. Si vous êtes à son âge... De... Parce que là, on s'entendait bien. Non, par contre, je pense que c'est des éternels joueurs, et ils sont jeunes toute leur vie, dans leur tête. Alors là, je vous rejoins. Ah, vous voyez que j'ai rattrapé. Mais non, mais très bien. Non, très forte. Vous êtes très fort. Bon, je crois qu'avant de se quitter, nous allons dire que la rediffusion, c'est vendredi à 14h. Donc, vendredi, on sera le 2. Après, vous pouvez aller sur notre podcast. La semaine prochaine, je crois que c'est Véronique Liamas avec Linda qui va nous parler tarot. Et là, monsieur Christophe Régnier, qui est président de l'AIGO Boulido, va nous redire ce qui va se passer le 4 juin à Caderousse. Alors, le 4 juin, 7e fête provençale dans le village, place de l'église, à partir de 14h, un souper le soir à partir de 19h30, 15€ par personne. On peut réserver au 06 83 17 47 47. Et encore merci à vous tous pour votre accueil. Merci, merci à vous. Plaisir de vous revoir, au monsieur. Plaisir de merci vous revoir beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir à dimanche. Au revoir à l'équipe. À dimanche, peut-être. À dimanche, bien sûr, avec le beau temps.